dumme Balzac, doch Füße geknommen, vom Budanot, Alter, doch Füße verliebt, Halbanie, Drinki, se Mame, Chare, bis damit sind Gatschikki, wir Dolor. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode à l'OS Rien Nouveau. Et aujourd'hui, on va aller du côté de la Slovaquie. Salut souris. Salut métier et salut à tout le monde. Alors aujourd'hui, un petit tour en Slovaquie, 80, 90, à un peu 2000. Oh oui, quand même, quand Un même. tout petit peu. Un tout petit peu, c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, on commence en 87. À Bratislava. Ouais, avec Davora Psihoza et du coup un titre éponyme et qui a priori veut dire la psychose de foule. C'était Davora Psychosa avec le morceau éponyme. On va aller maintenant, toujours à Bratislava, avec le fameux groupe de Oi Crust, Munizia. Ouais, voilà. Je me suis toujours dit, j'espère qu'un jour je les rencontrerai pour leur demander qui me parle de ce concept de Oi Crust. Et du coup, bon, en tout cas, ça donne de la bonne musique, hein, moi j'aime bien. Ah Le premier titre, c'est Nienawiść. Je pense que je l'ai un peu trop prononcé à la polonaise, hein, mais bon, bref. C'est N, ça veut dire la haine, et Troskar, qui veut dire en ruine. Yeah, I'll be sitting here. I'm all out of breath. C'était Muninsia avec Nenavist et Troskach. Donc la haine est en ruine. Et on va aller dans Bratislava maintenant, mais dans les années 80, en 84. Ouais, avec le groupe Zone A, qui a été formé par des membres de Paradox et X-Tip, hein, qu'on avait déjà joué dans des émissions précédentes d'ailleurs. Et alors, bon, en petite anecdote, en 85, il y avait un téléfilm en fait qui avait été réalisé sur le groupe, quoi. Mais bon, il n'a jamais été diffusé, bien sûr, car les dirigeants de la télévision communiste l'ont qualifié d'inadapté à la jeunesse socialiste. Étonnant. Voilà. Et en 86, ils devaient aller jouer au festival de Yarochin, où ils avaient été invités, quoi. Et puis, bah, en fait, non, parce que bah, la police secrète leur a retiré leur passeport. Donc, bah, du coup, pas possible d'aller en Pologne pour jouer au fameux festival. Voilà. Et du coup, le titre qu'on va jouer, c'est Utok na Spitsu Hit Parade. Qui veut dire donc une attaque en haut des hit parades. Sorry. C'était Zona A qui attaque les hit parades avec Utok na Spishkuku hit paradis. On poursuit avec Conflict, qui n'a rien à voir avec les Anglais. Ben non, parce qu'en plus c'est avec des K et le groupe aussi, enfin ça, des fois c'était Conflict, des fois Conflict A, je sais pas si c'était pour bon, pour quelle raison en fait, mais bon bref. Anarchie. Non, et pourquoi ils changeaient de nom comme ça. Hop, du coup je perds le fil de l'histoire. Le titre, oui, c'est Takisme et ça veut dire c'est ce que nous sommes. Conflict avec Takisme. On va écouter maintenant Rosport, un groupe hardcore de Bratislava. Ouais, Antifa Oi, et alors formé en 99 et qui est toujours actif. Le titre c'est Rubasila, qui veut dire force brute. Naši nepriatelia sú ochotní použiť násilie. A oni rozumejú iba dvom veciam. Síle a vlastnému strachu z tej síly. To znamená, že keď sa chceš konfrontovať s týmto rizikom, musíš byť silný a nesmieš vedieť, čo je strach. Slyšeli jste někdo, že fašovní chtějí napokorovat do New Jersey? Četl jsem to v novinách. Měli bychom tam jet a sehnat pár chlapů, vzít nějaké cihly a pořádně jim to vysvětlit, že? Četl jsem o tom takový satirický článek v Timesech. Byl devastující. No, satirický článek v Timesech je jedna věc, ale baseballové pálky jdou rovnou k věci. Ano, ale kousavá satira je vždycky lepší než fyzická síla. Na fašovně vždycky líp zavírá síla, protože je těžké kritizovat chlápka s okovanýma botama. Ole! Aj keď je sofistikovaná doba, spoločnosť sa až tak nezmenila. Vždy keď príde na lámanie chleba, je to stará dobrá hrubá sila. tvrdia elitársky moralisti. Keď sa príde na lámanie kostí, verte, že hrubá sila to istí. Voilà pour Grand Sport avec Urba Silla. Et maintenant, nous allons aller à Pouchov. Ouais, avec Nacho Nazov, un groupe formé en 93. Et on avait, il me semble qu'on en avait déjà joué aussi, d'ailleurs. Les deux titres sont en anglais, c'est Fucking Lies et Shitheads. nevhodná. Myslí si, že revolta je nevhodná. Myslí si, že ponuka zdroje času prud. Myslí si, že všetci máme v hlavách prd. Shithead, shithead, shithead. We have to be shithead. Shithead, shithead, shithead. We have to be shithead. Myslí si, že ladovce se netopia. Myslí si, že nikde hladom netrpia. Myslí si, že chrání nás policia. Myslí si, že vládne demokracia. Shithead, shithead, shithead. We have to be shithead. Shithead, shithead, shithead. We have to be shithead. Myslí si, že novinári neklamú. Myslí si, že treba veriť v reklamu. Myslí si, že ľudstvo je stádo svíň. Myslí si, že byť debil je in. Shithead, shithead, shithead. We have to be shithead. Shithead, shithead. We have to be shithead. Myslí si, že dialogom je samopal. Myslí si, že mať majetok je epopal. Myslí si, že cnosťou je egoizmus. Vyjebaný, skurvený kapitalizmus. Shithead, shithead, shithead. We have to be shithead. Shithead, shithead, shithead. We have to be Et Nacho Nazoff avec Fucking Lies et Shitheads. Et on va terminer cette émission avec Rem Ding du côté de Zlina. Ouais, du coup, Rem Ding, c'est un groupe de boys, voilà, pour faire simple. Et le titre, c'est Yadina Chansa, qui veut dire une chance, une seule chance, quoi. Tiré de leur récent album qui est sans titre. D'où le Yedina. Ouais. Ah, Yeden. Voilà, c'est ça. J'étale ma science. Pour étaler sa science un peu. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci Souris pour la préparation et la co-animation de cette dernière. Eh ben, de rien. Ah, elle va faire un gros dodo. quelque chose comme ça. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute car la voix de la Hoï ne s'éteint pas. Salut! Salut!